On a tiqué, pète la queue, le cri de guerre de la charcutière, le curriculum de ta mère, oh oh. Le seul bistrot des alentours, la plus triste des chansons d'amour, prenez un ticket, faites la queue, oh oh.